Donc dans la suite là du hadith des explications du hadith 2, on en était donc à la ilaha illallah. Et là ce qu'il y a c'est qu'on note, barakallahu fi, comme le on note donc les explications donc de, on va mettre de côté en fait cette, ce verset là parce qu'on va l'utiliser dans l'explication, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut expliquer la ilaha illallah qui veut dire le sens. Mais on va le voir dans le détail, le sens. La ilaha illallah, ça veut dire... Il y a l'adoration acceptée en moi. Ne mérite d'être en toute vérité. Barakallahu fik. Si ce n'est Allah, accepté Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est exactement ça. Donc c'est... Nulle divinité digne d'être adorée en toute vérité... excepté Allah. D'accord ? Nulle divinité n'est digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah. Donc on va comprendre pourquoi en fait on prend ce verset-là dans Sourate Az-Zukhruf. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. La ilaha illa alladhi fatarani illallah. D'accord ? On voit les deux parties dans la ilaha illallah. Donc, la ilaha illallah, c'est nafi wa ithbat. Ça veut dire une négation, une affirmation. D'accord ? Donc, c'est ce que le dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, dans ce qu'il dit : wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah. أي أعترف وأوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله. L'attestation, le témoignage que nulle divinité n'est digne d'adoration en toute vérité excepté Allah, ça veut dire que j'admets et j'ai la ferme conviction que nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah. Pourquoi nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah ? Car il y a des autres divinités. Oui, et qui ? Donc on dit, certes, barakallahu fik, on dit qu'il y a d'autres divinités qui existent. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on dit de ces divinités-là ? Qu'elles sont fausses. Pourquoi ? Parce que, barakallahu fik, elles sont créées. Des statues, c'est une création. Les vaches que les gens adorent sont des créations. Le soleil, la lune, comme on va le voir, tout ça, ce sont des créations. D'accord ? Donc tout ce que les gens adorent, que soit le Qubur, ou la Sham, soit le Qamar, ou la Baqar, ou la, toutes les différents types de créatures, les vaches, ce sont des créatures. D'accord ? Les statues, les animaux, les croix, les prophètes, tout cela, ce sont des créatures. Et d'accord ? Donc sachant que ce sont des créatures, eh bien, elles ne méritent en rien l'adoration. Pourquoi ? Parce qu'elles sont créées. Elles ne peuvent pas se défendre ni répondre à l'invocation de celui qui l'invoque. D'accord ? C'est-à-dire que les sahaba, radiallahu anhum ajma'in, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah se satisfait de tous, eh bien, ne pouvait pas dire au prophète « Oh, envoyé d'Allah, donne-moi le paradis. » Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une créature, c'est la meilleure des créatures. D'accord ? Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il y a, c'est que, mais lui, il ne peut pas le faire, cela. Il n'y a qu'Allah, azzawajal, qui peut donner le paradis aux gens. Mais si les gens disent de son vivant, ô envoyé d'Allah, invoque Allah pour moi qu'il me pardonne. D'accord ? Comme il est permis de le faire pour des gens qui sont, par exemple, tu sais que c'est quelqu'un qui est sur la sunna, qui est vertueux, tu vois, de ce qui apparaît de toi, tu lui dis, invoque Allah en ma faveur. D'accord ? Tu dis, invoque Allah en ma faveur. D'accord ? Mais tu ne peux pas aller à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire, ô envoyé d'Allah, invoque Allah en ma faveur qu'il me pardonne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a un verset dans Sourate An-Nisa où Allah Azza wa Jal dit: وَإِذَا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Naam. Et Sourate An-Nisa. Et donc, ce qu'il y a, c'est que il y en a بعض الصوفية يعتقدون أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لهم يا رسول الله استغفر لي ربي. أعوذ بالله. Ça c'est du shirk, ça. Donc il y a parmi les soufis, les gens qui sont dans les zawiyat, les mausolées là, qui restent à adorer les tombes et tout, ils disent aux gens dans leur tafsir, dans leur explication à eux, et ce n'est pas l'explication des, vous voyez, des sahaba. Ils disent, eh bien non, ben, tu vas au niveau de la tombe du prophète sallam et tu vas dire, oh envoyé d'Allah, invoque Allah, qu'il me pardonne. Mais le prophète sallam, il est mort, il ne peut pas t'entendre. Il ne peut pas t'entendre. Quelle est la preuve qu'il ne peut pas nous entendre? Lorsqu'on dit, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne peut pas nous entendre lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, on est d'accord. Mais comment le prophète sallam est informé sur cela? Eh bien, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, on dit que les éloges d'Allah et le salut soient sur l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed. Allah Azza wa Jal entend tout et sait tout. Eh bien, il envoie un ange qui informe le prophète, d'accord, alors que le prophète est mort dans sa tombe, d'accord. Mais ce qu'il y a, barakallahu fikum, c'est qu'il ne peut pas nous entendre, le prophète directement. D'accord, il ne sait pas. D'accord. Et pour preuve, les sahaba, lorsqu'il y a eu les troubles qui se sont déroulées entre eux après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre eux s'est dit, je vais aller voir au niveau de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais dire, oh, envoyé d'Allah, qu'est-ce qu'on fait? Non. Vous voyez, barakallahu fikum. Donc, on a dit que nulle divinité n'est en droit d'être adorée. N'est en droit d'être adoré. Ça implique, ça c'est en toute vérité. Parce que ce qui n'est pas en droit, eh bien c'est adoré avec fausseté. D'accord? Le seul qui est en droit d'être adoré, c'est Allah. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné ce sang qui coule dans tes veines, c'est lui qui t'a donné le corps que tu as, c'est lui qui t'a donné les provisions que tu as, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a fait que, eh bien, on peut vivre ici, sur terre. D'accord? Yani, subhanallah. Que si tu vas dans l'espace, sans aucune protection, si tu n'as pas le casque là, des astronautes, là, tu regardes le soleil, tu deviens aveugle direct. Subhanallah. Vous voyez, il y a tellement la puissance des rayons du soleil. Et donc ce qu'il y a, c'est que... Donc ce qu'il y a, c'est que tu sais que toute la création, c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé tout cela. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé tout cela. D'accord ? Barakallahu fikum. Donc le seul créateur, c'est Allah. Donc le seul qui mérite l'adoration en toute vérité, c'est Allah, étant donné que c'est l'unique créateur. Les autres sont des créatures. Une vache qui broute l'herbe, tout ça, t'as beau l'invoquer, t'as beau faire ce que tu veux, elle va pas répondre à ton invocation. Bien ? Les gens, ils vont la mettre au sol, ils vont la sacrifier, elle va se terminer dans un kebab, et tu vas manger ce kebab-là avec des frites, et tu vas te dire, il va trouver que c'est bon. Subhanallah, elle ne peut même pas se défendre. D'accord ? Ou bien la statue, je vous disais, je parlais avec un hindou là-bas au Royaume-Uni, je disais, mais Ehri, enfin, je disais pas Ehri parce que c'est un kefir, mais je disais, mais qu'est-ce que tu adores ? Il me disait, une centaine de statues. T'adores des statues, je lui ai dit ? Je lui ai dit, mais si tu prends ces statues-là, là, tu les as sur une table et tu les pousses par terre, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont tomber par terre, elles vont se casser, on est d'accord. Il s'est mis à rire. Allez. Il se rendait pas compte qu'il adorait une chose que... Elle est comme ça, tu la pousses par terre, elle tombe par terre, elle se casse. Qu'est-ce que tu fais? Subhanallah. Vous voyez, regardez ce que les gens adorent. Ils adorent des statues, ils adorent des vaches, ils adorent des croix. Ils adorent Isa alayhi salam, le prophète Jésus. Alors, Jésus en français, mais c'est toujours mieux de le dire en arabe, hein, Isa alayhi salam. D'accord ? Et donc, ce qu'il y a, c'est que tout cela, sont des divinités. Pourquoi? Parce que les gens se sont mis à les adorer. Donc ils les ont mis au rang de divinités. Maintenant, la question, est-ce que c'est une vraie ou une fausse divinité? D'accord? Comment peut-on savoir? Est-ce une créature ou est-ce le créateur? C'est une créature, donc elle ne mérite pas l'adoration. Elle est créée. Donc qui c'est qui décide de tout et qui dirige tout et qui commande tout? C'est Allah Azza wa Jal. Et qui c'est qui peut pourvoir tout, retenir un mal ou infliger un mal que lui aura décrété? Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal. D'accord? Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut faire ce qu'il veut. Donc, lorsque l'on sait cela, on sait que mais Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur. Donc, celui est en droit d'être adoré. Et vous rappelez du verset dans Sourate Luqman, où lorsque Luqman, eh bien, conseille son fils en disant « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. » Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car l'associationnisme est la plus grande des injustices. Et l'injustice, c'est quoi? C'est le fait de placer une chose qui n'est pas à sa place. Mettre une chose qui n'est pas à sa place. D'accord? Mettre une chose qui n'est pas à sa place. L'adoration, alors si tu l'avoues à une créature, tu ne mets pas l'adoration à sa place. D'accord? Donc ça, c'est une injustice. Et quelle injustice? C'est le plus grand des crimes. L'associationnisme à Allah, c'est pire que le meurtre, que le viol, que la consommation d'alcool, que le zina, que la fornication, que le mensonge. C'est la pire des choses. Associer à Allah Azza wa Jal, c'est pire que manger du porc. Si on veut, il y en a, ils pensent que tu vois, le haram, c'est en fonction de, tu manges du porc, tu manges pas de porc, d'accord? Eh bien, tu vois quelqu'un qui mange du porc, et quelqu'un qui est associé à Allah, celui qui est associé à Allah en invoquant autre qu'Allah, ou en plaçant sa confiance en autre qu'Allah, ou en craignant une chose comme on craint Allah, ou en aimant une chose comme on aime Allah, d'accord? Et il y a tous les différents types d'adoration. Lorsque tu l'avoues à autre qu'Allah, donc tu commets un acte d'associationnisme, c'est pire que celui qui mange du porc. D'accord? C'est pire. C'est la plus grande des injustices. Celui qui mange du porc, qui est musulman, mais qui ne dit pas que c'est licite, d'accord? Eh bien là, il commet un grand péché, celui-là. D'accord? Comme celui qui consomme de l'alcool, qui est musulman, et qui consomme de l'alcool et du vin, mais qui ne le rend pas licite. Il sait que c'est haram, et il consomme, il suit ses passions, d'accord? Il commet un péché majeur, d'accord? Et on avait vu dans les explications des hadiths que ça ne l'exclut pas de l'islam, ça, d'accord? Ça fait partie des péchés majeurs. Quand est-ce que ça l'exclut de l'islam? C'est lorsqu'il considère que c'est licite, d'accord? Lorsqu'il considère qu'une chose haram, eh bien, il la rend licite. Là, a'oudhu billah, et qu'il commet ce péché majeur, là, ça l'exclut d'islam, d'accord? Mais la pire des injustices et le pire des crimes, c'est d'associer à Allah Azza wa Jal. C'est pire que toute chose. C'est pire que toute chose. Fayakun taqdir al-kalam la ilaha bihaq wa laysa ma'na la ilaha annahu laysa hunaka aliha. D'accord? C'est-à-dire qu'on dit que nulle divinité n'est en droit d'être adoré. D'accord? Donc là, pour faciliter, parce qu'on a parlé de plusieurs choses, on va essayer de rester sur ça, Inch'Allah, éviter trop des exemples, parce que sinon on va aller à droite et à gauche. D'accord? On va rester, Inch'Allah. Donc, on se rappelle pour la prise de notes, la ilaha illallah. On fait deux parties. La ilaha, et deuxième partie, illallah. La signification, c'est quoi? C'est que j'admets, et j'ai la ferme conviction, que nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah. Une fois qu'on a mis ça, on se rappelle ce que veut dire el-ilah. C'est quoi l'ilah? C'est quoi l'ilah? On avait dit que Alaha, c'est un synonyme de oui, Alaha, qui veut dire divinité, mais ça veut dire Alaha, c'est un synonyme de Abada. D'accord? Alaha, Abada. Al-Ilah, huwa al-Ma'boud. Le Ilah, c'est-à-dire la divinité, littéralement, c'est ce qui est adoré. D'accord? Ilah, c'est ce qui est adoré. C'est pour ça que, si on entend des gens qui disent « La ilaha illallah », ça veut dire « Il n'y a de Dieu que Dieu », ça ne veut rien dire du tout. Donc, « Ashhadu an la ilaha illallah », premier pilier de l'islam. Donc, on avait vu composer « Ashhadu an la ilaha illallah »« Ashhadu anna Muhammad Rasulallah », les deux attestations de foi qui sont le premier pilier de l'islam. C'est de composer en deux. « La ilaha illallah » à une négation et une affirmation. D'accord ? Il y a deux parties dans la première attestation de foi. Deux parties. Une première, « Nafi » et la deuxième, « Ithbat ». On renie et se désavoue de toute divinité qui est adorée. D'accord ? Et la deuxième partie, c'est l'affirmation. On affirme que le droit de l'adoration ne doit être voué qu'en toute vérité à Allah seul. D'accord ? Donc, ça doit être bien clair, en fait, déjà, ces deux composantes-là. Négation, affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire, la ilaha illallah ? J'affirme et j'ai la ferme conviction que nulle divinité, que nul n'est en droit d'être adoré en toute vérité. Excepté Allah. D'accord ? Et il dit فَيَكُنْ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ لَا إِلَهَ بِحَقِّ وَلَيْسَ مَعْنَا لَا إِلَهَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ آلِهَا. Il dit, et donc on doit comprendre par nulle divinité n'étant droit d'être adoré en toute vérité, c'est qu'on doit comprendre, parce qu'on avait vu que الإله, c'est quoi le الإله ? C'est ce qui est adoré, c'est le ma'boud. Parce qu'on se rappelle, Alaha, synonyme de Abada. Donc on renie quoi ? On renie pas qu'en fait il y a d'autres divinités qui sont adorées. On le renie pas ça. D'accord ? On le renie pas. Et ce n'est pas ce qui est voulu lorsque tu dis La ilaha illallah. Ce n'est pas le fait de renier qu'il y a l'existence d'autres divinités. Non. On sait qu'il y a d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. D'accord ? On le sait ça. Donc c'est pas le fait de renier, non elles n'existent pas, comme un frère me disait un coup. Il disait, non je refuse de dire qu'il y a d'autres divinités. Il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Et tu peux pas le cacher ça, des gens adorent Bouddha. C'est quoi ça Bouddha ? Une statue, mais c'est une divinité. Ils adorent la croix, ils adorent des prophètes, ils adorent des vaches, ils adorent les étoiles, ils adorent la lune, ils adorent le soleil. Comme va le mentionner le Cheikh Salah Fawzan Hafidhahullah. Donc, on ne renie pas en fait l'existence d'autres divinités. Mais on dit que certes, ces choses-là, les gens les ont mis au rang de divinité. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis à les adorer, à ressentir une humilité lorsqu'ils se mettent à les invoquer et ils les invoquent en dehors d'Allah. Ils invoquent des morts, ils invoquent des étoiles, ils invoquent la lune. D'accord ? Eh bien, tout ça, il voue une divinité à ces choses-là qui sont des créatures. Étant donné que ce sont des créatures, elles ne méritent en rien d'être adorées. Comme l'exemple que j'avais donné avec les statues. Cet hindou qui disait, voilà, il adore une centaine de statues, le fait de pousser la statue, elle tombe par terre, elle va se casser, elle ne peut pas se défendre. Elle ne peut pas répondre à ton appel. D'accord ? Ou bien les gens qui adorent des pierres, des pyramides, des objets, etc. D'accord ? Donc, étant donné que ce sont des créatures, elles ne méritent en rien l'adoration. Donc, qu'est-ce qu'on renie ici dans la négation, dans la première partie de la ilaha ? On renie quoi en fait ? On renie l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah. C'est ça qu'on renie. C'est l'adoration qui est vouée. On ne renie pas l'existence de divinité. D'accord ? On dit que ce sont des divinités, oui, parce qu'Allah Azza wa Jal les a nommées divinités. Allah les a nommées divinités. Allah Azza wa Jal les a nommées étant des divinités, parce que les gens se sont mis à les adorer. Ils les ont donc mis au rang de divinité. Mais on dit que ce sont des fausses divinités. Elles ne méritent en rien l'adoration. Étant donné qu'elles ne méritent en rien l'adoration, c'est que ce sont des fausses divinités. Et comme ce sont des fausses divinités, c'est qu'elles ne méritent en rien l'adoration. Et comment on le sait que ce sont des fausses divinités? Car ce sont des créatures. Toute chose créée ne mérite en rien l'adoration. Tandis qu'Allah n'est pas créé, c'est le créateur. Seul lui mérite tout acte d'adoration. D'accord? Donc il dit وَلَيْسَ مَعْنَ لَا إِلَهَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ آلِهَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفِي الْآلِهَا. C'est ce que je disais. Donc il dit le Cheikh Salah Fawzan Hafidhahullah, ce n'est pas ce qui est voulu, c'est le fait de renier qu'il y a d'autres divinités. وَلَكِنِ الْمُرَادُ نَفِي الْآلِهَا الَّتِي هَيَّ حَقِّ. Parce que par contre, ce qui est voulu, c'est renier l'adoration qu'il aurait voué. Parce que l'adoration est un droit. Et ce droit-là ne doit être réservé qu'à Allah. Donc on comprend que la ilaha, c'est le fait qu'on renie. On renie l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah. On ne renie pas qu'il y a d'autres divinités. Mais on dit, on ne renie pas qu'il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais on dit que ces autres divinités sont des fausses. Est-ce que c'est clair, Benjamin? Oui, c'est la question que je me pose. Ouais. Parce qu'il y a un autre verset, je vais mal le citer, de mémoire, tout ça. Je te dis ce qu'il dit, je ne dis pas le verset explicitement. Il dit quelque chose comme le jour du jugement, elles ne pourront rien faire, ces divinités-là. Elles ne pourront pas vous aider. Non. Ouais. Il y a l'interdit de la représentation. Il ne vient pas du Coran, l'interdit de la représentation, il vient des Juifs. On a, je ne sais pas par quel procédé. Il vient de la Torah. Mais c'est quand ils font la sorcellerie, ils font des représentations. Quand ils font les statues, ils font des représentations. Ils font des fictions, quoi. Quand les soufis ou tout ça, ils adorent ça. Ils se mettent en transe, tout ça. Ils ressemblent des choses. Quand ils font la sorcellerie, ça donne un pouvoir. Est-ce que dans la question que je me pose, dans le statut que Allah va conférer à la divinité, pas au jour du jugement, mais qui précise dans le verset, le jour du jugement, ils n'auront aucun pouvoir. Aujourd'hui, actuellement, est-ce que ça leur confère un pouvoir qui se regroupe, qu'ils adorent la même divinité? Non, ils n'ont aucun pouvoir. Ça, ce soit que le jour de la résurrection. Mais Allah Azza wa Jalla l'a dit. Il l'a dit clairement. Que même s'ils les adoraient, dans la traduction du sens des versets, que même si vous les invoquez, ils ne vous entendent pas. Et même s'ils vous entendraient, ils ne pourront pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, vous serez ennemis les uns les autres. Tu vois ? Donc c'est-à-dire que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent ni t'être bénéfiques en quoi que ce soit, ni te nuire en quoi que ce soit. Que si un mal touchera cette personne-là, c'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a décrété. D'accord ? Il ne peut rentrer dans le corps d'un homme que si Allah Azza wa Jalla l'a décrété. D'accord ? Donc c'est pas juste, il fait ce qu'il veut et puis voilà. Barakallahu fik. Certes, ils ont une volonté, ils aimeraient faire un mal. Cependant, si Allah Azza wa Jalla n'a pas décrété ce mal-là, ça ne le touchera pas. D'accord ? Donc il n'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété. Et donc, tu vois, même s'ils font, que ce soit sorcellerie ou que ce soit invocation à autre qu'Allah, toutes ces choses-là, ces divinités-là qui sont adorées, n'ont aucun pouvoir. D'accord ? Ils ne peuvent ni répondre, ni protéger, ni nuire, ni rien du tout. Mais ce sont ceux qui les invoquent qui se nuisent eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils vouent une adoration qui est un droit, ils la vouent à autre qu'Allah. D'accord ? Donc ça, c'est ce point-là. Il dit, donc on ne renie pas, dans la ilaha illallah, on ne renie pas l'existence d'autres divinités. D'accord ? Qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais on renie le droit de l'adoration, qui lui ne doit être voué qu'à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Donc on renie le droit de l'adoration qui lui doit être voué qu'à Allah Azza wa Jal. Donc il dit wa illa fa hunaka alaha kathira batila, parce qu'il y a énormément de fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Fa min an-nas man ya'budu ash-shams, il y a des gens qui adorent le soleil. D'accord ? Il y avait d'ailleurs, subhanallah, même sur quand là. Il y avait une femme qui avait dit à ma femme, parce que ma femme a cru que c'était une musulmane, cette dame-là. Mais en fait, elle lui a dit, non, en fait, nous, on adore le soleil. Ya'oud billah. Alors, je lui ai dit de lui transmettre. Alors, lorsqu'il fait nuit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans un trouble total. Ah, ici, hop, ils adorent le soleil, boum. Ça y est, c'est la nuit, tu fais quoi maintenant? Donc, il y a des gens qui adorent le soleil. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْقَمَرِ D'autres, ils adorent la lune. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْكَوَاكِبِ D'autres, ils adorent les planètes. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْشَجَرِ وَالْحَجَرِ Et il y a d'autres qui adorent des arbres. Il y en a en Irak. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il y en avait un. Il prie avec nous là-bas au Royaume-Uni, à la mosquée. Hein? Il disait, oui, en Irak, on a un arbre. Où est-ce qu'on dépose des choses dessus pour recevoir la baraka? A'oudou billah. On voit le problème, il est où? Il y en a qui adorent les arbres, d'autres ils adorent les pierres. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَمْوَاتِ وَالْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَ Il y en a qui adorent les morts. Parce que les gens, dès qu'on dit, ouais, vous adorez les morts, ils ne comprennent pas. Ils croient que l'ibada, c'est juste la salate. Ils croient que non, tant que je ne fais pas de soujoud, tant que je ne suis pas en train de prier... D'accord, eh bien, c'est pas une adoration pour eux. Mais le fait que tu l'invoques, tu dis « Oh, un tel !» Tu l'invoques lui en dehors d'Allah. Ça y est, tu es tombé dans l'associationnisme majeur. Donc c'est pas juste que tu fais une prière pour autre qu'Allah. Faut pas croire que juste que parce que t'es pas en train de faire une prière, t'es devant une tombe et que t'as le même khushu', la même humilité que tu devrais ressentir dans la prière... Tu l'as la même lorsque tu rentres dans cet endroit qui est un mausolée. Ouais, ceux qui adorent les mausolées, les tombes, hein, les morts, ils les invoquent en dehors d'Allah. Ils pensent que si tu ne vas pas le visiter, si tu ne lui dis pas, eh bien je vais égorger pour toi un mouton, eh bien un malheur va s'abattre sur sa maison. Tout ça, ce sont des adorations. C'est une ibad. Et tant que les musulmans ne comprennent pas que ça, c'est une adoration, eh bien ils n'auront aucun problème à aller voir un tel. Ouais, lui dire, mais non, c'est un wali. Et il n'y a pas de problème à visiter les tombes. C'est-à-dire à visiter les gens qui sont morts. Lui, mais dans le cimetière. Subhanallah. Pourquoi ils en ont fait à celui-là qui est mort? Ils ont dit que c'était un wali. Ils lui ont fait une tombe élevée d'un mètre ou un mètre cinquante. Subhanallah, au-dessus du sol, avec des barrières, des Qur'an qui sont mis sur sa tombe. Et les gens, ils viennent, ils s'accrochent à ces barrières. Ce n'est pas des choses qui sont inventées, c'est ce qui se déroule en Tunisie. En Tunisie, subhanallah, je l'ai vu. Des gens qui vont là-bas, la majorité ce sont des femmes, qui vont là-bas et qui invoquent le mort, qui leur donne je ne sais pas quoi, là. Voilà, qui leur fasse marier leur fille, voilà, qui fasse que son fils a le bac ou je ne sais pas quoi. Et puis, ils se disent, ils ont une conviction que s'ils ne vont pas aller le visiter, ce mort-là, et qu'ils ne vont pas égorger pour lui, eh bien, ils ont peur qu'il ne vienne et qu'il leur inflige un châtiment dans leur maison. Vous voyez? Donc, ils l'ont mis au rang de divinité. Ils se sont mis à l'adorer, même s'ils ne font pas de prière au niveau de la tombe, même s'ils ne font pas de soujoud au niveau de la tombe. Ils vont dire, non, juste, je lis le Coran. Et après, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il va lire le Coran et puis il va dire « Eh, Sidi, fais que... » Tu l'invoques en dehors d'Allah. Ça y est, t'es tombé dans l'associationnisme majeur. Ça veut dire que tu as annulé ton islam. Les gens ont du mal à accepter ça. Les gens ont du mal à accepter que tu leur dis « Eh, si tu as invoqué, tu invoques autre qu'Allah, t'es plus un musulman. » Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, c'est pas juste, par exemple, il va dire « Non, juste j'invoque ce mort-là, c'est pas grave. Je vois pas où est le problème, moi je fais mes salettes, hein. » Je fais mon hajj, je fais ma omra. Il croit que tu vois, parce qu'il fait le hajj et la omra, ça veut dire qu'il ne tombe pas dans, il ne peut pas tomber dans le coffre, c'est impossible. Ou bien il ne peut pas tomber dans l'écran. Ou bien il croit que, parce qu'il est né dans une famille, par exemple, une famille arabe, il croit que c'est impossible qu'il devienne un mécréant. Il croit que c'est un tampon à vie, c'est terminé. Quoi. C'est pas comme ça, Eri. Ce n'est pas le fait, donc vous voyez, il y a des gens qui adorent les tombes, les morts, les mausolées. حتى إنهم من يعبد البقر كما هو موجود في الهند comme il y en a qui adorent les vaches comme cela est présent en Inde والعياذ بالله فالآلهة كثيرة ولكن الإله الحق هو الله جل وعلا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Dans sourate Al-Hajj, verset 62, ceci car Allah est le vrai, c'est la vérité, le vrai, le seul qui mérite l'adoration en toute vérité. Et ceux qui sont adorés en dehors de lui sont le faux. Allah Azza wa Jalla a dit que ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, wa annama yad'una min dunihi huwa al-batil. Allah Azza wa Jalla a mentionné que tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est le faux, c'est la fausseté. Sachant que c'est le faux, ils n'ont aucun droit d'être adorés. Donc vous reverrez ce verset-là, 62 de sourate Al-Hajj. D'accord ? C'est pour ça qu'il dit la vraie divinité, le seul qui mérite en toute vérité l'adoration, c'est Allah le Très-Haut. Wal-ilah ma'nahu al-ma'boud. Comme on l'avait mentionné, al-ilah, la divinité, c'est ce qui est adoré. Ay la ma'boud bihaq. C'est-à-dire qu'on dit la ilaha illallah, on dit quoi ? Nul n'est adoré en toute vérité. Illallah, excepté Allah. Fayanfi hadha kull ma'boudin bil batil. Donc, en disant « La ilaha », eh bien, tu annules toute chose qui est adorée et tu refuses toute adoration avec la ferme conviction. Ça, c'est la négation, c'est-à-dire que tu renies, on va dire, tiens, tu renies, c'est renier, en fait l'adoration pour autre qu'Allah. D'accord ? Parce que c'est faux. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est le faux. C'est la fausseté. Donc ce sont des divinités parce que les gens l'adorent. On ne renie pas l'existence d'autres divinités en dehors d'Allah parce que les gens les ont mis au rang de divinité parce qu'ils se sont mis à les adorer. Donc ce poteau-là, là, c'est un poteau, le pilier là. D'accord ? Si maintenant il y a quelqu'un, il se met à dire au poteau, je ne sais pas quoi, et puis il se met à faire un soujoud pour ce pilier-là, ou bien ressentir un... Il se dit, ce pilier-là, le fait qu'il soit au milieu de la mosquée, c'est un signe de je ne sais pas quoi, là, tu vois, ils viennent avec des trucs comme ça. Et puis, il se met à ressentir un certain khushu' envers ce pilier, je ne sais pas. Là, ce pilier-là, alors que c'est un pilier, d'accord ? Yanni, tu peux le détruire, tu peux le... Eh bien, là, il l'a mis au rang de divinité, c'est devenu sa divinité, d'accord ? Donc, mais on dit, c'est une divinité, pourquoi ? Parce qu'il s'est mis à l'invoquer et l'adorer en dehors d'Allah. Mais on dit que c'est une fausse divinité, parce que, d'une part, Allah Azza wa Jal a clairement dit, « Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. » Ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux, premièrement. Deuxième point, c'est que c'est une créature. Une créature ne mérite en rien l'adoration, ni l'invocation. Rien du tout, c'est une créature. D'accord ? Donc ce droit à l'adoration n'est voué qu'au créateur. D'accord ? Barakallahu fikou. Fayanfi hadha kull ma'boudin bil batil wa kull ma siwa Allah fa huwa ma'boud bil batil. Tout ce qui est adoré ou invoqué en dehors d'Allah, eh bien c'est adoré avec fausseté et avec injustice. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ceci car Allah, dans la traduction du sens du verset, ceci car Allah est le vrai, c'est-à-dire la vraie divinité, c'est-à-dire l'unique qui mérite l'adoration en toute vérité, parce que c'est le créateur. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, donc, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. On se rappelle que l'invocation, Rasoul Sallam, qu'il a dit, Ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation, c'est l'adoration. Donc si tu invoques, tu adores. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Jinn, Qul innama ad'u rabbi, wa la ushriku bihi ahada. Dis, j'invoque Allah. Et je ne lui associe rien. Je n'invoque qu'Allah et je ne lui associe rien. Donc si tu invoques autre qu'Allah, c'est que tu lui associes quelque chose. D'accord ? L'invocation, c'est l'adoration. Dis, j'invoque Allah, je n'invoque qu'Allah et je ne lui associe rien. L'invocation, tu ne l'avoues qu'à Allah. Parce que l'invocation, comme dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, c'est l'adoration. D'accord ? Barakallahu fikum. Fahada ma'na al-shahada wa laysa taqdir al-khabar mawjoud. Donc on ne dit pas la ilaha, ça veut dire il n'y a de Dieu qui existe et, ou de divinité qui existe excepté Allah. Là ils veulent dire quoi? Ils veulent renier l'existence d'autres divinités. Ça ce n'est pas correct. Ce n'est pas ce qui est voulu par la ilaha illallah. Vous avez compris avec l'exemple du pilier là, du poteau. Donc c'est juste un pilier, une pierre, rien du tout. C'est une créature. D'accord ? On renie l'adoration qui est vouée aux autres. Barakallahu fik. Qu'est-ce qui est renié dans la ilaha? C'est l'adoration qu'on renie. Et non pas l'existence de cette divinité-là. D'accord ? Elles sont là, elles existent. Bouddha, ils en ont fait des statues, ils l'adorent. Tu ne peux pas dire que non, elle n'existe pas. Mais elle est là, elle est là. Tu ne peux pas me dire qu'elle n'existe pas. Elle est là. Ils l'invoquent, ils l'adorent en dehors d'Allah. مثل ما يقوله بعض الناس لا إله موجود. Comme certains disent, il n'y a de divinité qui existe. فإن هذا غير صحيح. Cela n'est pas correct. فالآلهة الموجودة كثيرة. Parce que les divinités qui existent sont nombreuses. وكل يعلم أن الناس يعبدون آلهة متفرقة. Et tous savent que les gens adorent des divinités différentes. D'accord ? Donc, on comprend bien, barakallahu fikum, que d'autres divinités sont adorées en dehors d'Allah. Mais on dit que ce sont des fausses divinités. D'accord ? Elles sont adorées faussement. Tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah est faux. Et faux, et batil. D'accord ? Mais on ne renie pas leur existence parce qu'elles sont là. Subhanallah, les gens adorent Bouddha, etc., adorent les vaches, adorent, je ne sais pas moi, les tigres, les pumas en Amérique du Sud, ils adorent les serpents. En Inde, ils adorent même les rats. Subhanallah, ils leur mettent des qas'a comme ça là, des grandes assiettes, des grands, énormes bols comme ça là, tu vois, les grands plats comme ça. Et ils leur donnent à manger et ils sont infestés par la peste dans ce village-là. Mais ils laissent ces rats-là manger parce qu'ils considèrent qu'ils ont besoin de manger. Ils invoquent ce rat-là, là, subhanallah. Qui juste, ils mangent, là, subhanallah. Ils leur apportent la peste, ils invoquent cette... Alors que si tu l'écrases avec ton pied, il peut mourir. Donc, ça, certaines personnes disent que lorsque tu dis, ça veut dire quoi, la ilaha illallah, ils te disent, bah, la ilaha mawjoud, ça veut dire Allah wahed, ils ne comprennent pas. Que c'est nafi l'ibadah, tu renie l'adoration à autre qu'Allah. Toute adoration, tu la renies, excepté celle qui est vouée à Allah. D'accord ? La ilaha. Donc ils disent, il dit le cheikh Salah al-Fawzan, مثل ما يقوله بعض الناس, لا إله موجود. فإن هذا غير صحيح, فالآلهة الموجودة كثيرة. وكل يعلم أن الناس يعبدون آلهة متفرقة. منذ حدث الشرك في الأرض وإلى أن تقوم الساعة. والشرك موجود والمعبودات موجودة وكثيرة ولكن الإله الحق هو الله عز وجل. قال تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. Dans sourate Az-Zukhruf verset 84. Donc là le cheikh dit, eh bien tous savent qu'il y a des divinités différentes que les gens adorent comme on avait mentionné. D'accord. Et que l'associationnisme, eh bien, yani, tous sachent aussi que yani, depuis qu'a commencé l'associationnisme, depuis le peuple de Noé, de Noé, lorsque les gens se sont mis à construire des statues pour représenter des hommes pieux qui étaient morts, puis les générations ont succédé et le shaitan est revenu sous une forme humaine en leur disant « Vos ancêtres adoraient ces statues pour se rapprocher d'Allah. » Et c'est là que la première fois qu'a commencé donc l'associationnisme sur terre. Et donc Allah Azza wa Jal a envoyé le premier prophète et envoyé, alayhi salatu salam, qui est Noé. D'accord ? Parce que la croyance a été corrompue, donc il envoie pour corriger cette croyance-là et puis pour réfuter cette fausse croyance qui est l'associationnisme majeur. Et donc, depuis que ça a commencé, et cela jusqu'à la fin des temps, d'accord ? Et cela jusqu'à la fin des temps, il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah et qui sont présentes en nombre. Mais le seul vrai qui mérite l'adoration en toute vérité, c'est Allah, le Très-Haut, car c'est le seul créateur, d'accord ? Allah Azza wa Jalla a dit, et c'est lui qui est adoré dans le ciel et sur terre. Ça, c'est la traduction du sens du verset qui est correct. Et c'est lui qui est adoré dans le ciel et sur terre. D'accord ? On comprend maintenant la traduction du sens du verset, parce que il est, on sait que c'est celui qui est adoré. C'est celui qui est adoré, donc Allah Azza wa Jalla, qui est adoré dans le ciel et sur terre. D'accord ? Les oiseaux, lorsqu'ils volent, eh bien, nous, on ne comprend pas comment ils font le dhikr et comment ils font le tasbih et comment ils adorent Allah. Ça, on ne le sait pas. Ils sont dans les cieux. D'accord ? Ils volent dans les cieux. Sur terre, les musulmans qui adorent Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et toute chose qu'Allah Azza wa Jal a créée qui invoque Allah, qui fait le dhikr d'Allah, mais nous, on ne le sait pas. D'accord ? Autre chose, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith authentique qu'il y a, il n'y a pas la distance de 4 doigts dans les cieux, excepté qu'il y a un ange qui est en position de rukou' et un autre ange qui est en position de sujoud. Depuis qu'Allah Azza wa Jal les a créés et ils sont comme ça, jusqu'à la fin des temps, et lorsqu'Allah Azza wa Jal leur dira de se relever, alors qu'ils sont toute cette période de temps en sujoud, en train d'adorer Allah, ou en rukou, en train d'adorer Allah, et lorsqu'Allah Azza wa Jal leur dira de se relever, et lorsqu'ils verront Allah Azza wa Jal, ils diront, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Donc qu'en est-il de nous, Akhi ? Donc vous voyez, Allah Azza wa Jal est adoré. Et là, c'est dans les cieux. Il est adoré dans les cieux, les anges qui sont en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Ou les animaux qu'on peut voir dans les cieux en train de... le battement des ailes. On ne sait pas, nous on ne sait pas ça. D'accord ? Ou les différentes créatures sur terre, d'accord ? Qui adorent Allah Azza wa Jal. Donc ça, vous voyez, celui qui est adoré dans le ciel et sur terre. Pourquoi ? Parce qu'on comprend ce que ça veut dire, el-ilah. Ilah, c'est ce qui est adoré, el-ma'boud. Mais celui qui ne connaît pas la définition de l'ilah, vous trouverez quoi dans les traductions de Coran ? Vous lisez quoi ? Vous lisez, c'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre. La ilaha illallah. Hein ? Sourate Az-Zukhr, verset 84. Vous trouvez dans les versets 84, Sourate Az-Zukhr. Les ornements. Problème, parce que les gens ils savent même pas la ilaha illallah, ça veut dire quoi. Donc il va te dire c'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre. Vous voyez? Alors que c'est lui qui est adoré dans le ciel et sur terre. C'est ça que ça veut dire le sens du verset. Non? Quelqu'un il doit interpréter le verset à sa. Mais c'est ça, mais parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire du littéral, sans donner. Ils disent c'est la traduction du sens des versets, mais ils ne donnent même pas le sens du verset. Ils donnent une traduction littérale. C'est lui qui est adoré dans le ciel et sur terre. Et eux, ils ont traduit par celui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre. Subhanallah. Donc là, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah ? Là, on va détailler maintenant la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Il dit... Il est interdit, donc ça veut dire quoi en général la signification de la ilaha illallah, la ma'boud bihaq illallah. D'accord ? Nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité, excepté Allah. Il dit وخبر لا يجب تقديره بحق كما نبي فيه ولا يجوز تقديره بموجود لأن هذا خلاف الواقع فالمعبودات غير الله موجودة بكثرة فيلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة لله سبحان الله Vous voyez le problème il est où Celui qui dit que nul ça veut dire que nul n'existe excepté Allah celui qui dit que le sens de la ilaha illallah ça veut dire que nul n'existe excepté Allah ça veut dire quoi ça Vous voyez le problème c'est quoi ça veut dire que en fait on relie l'existence de l'existence de tout sauf Allah quoi celui qui dit nul n'existe excepté Allah moi j'existe pas parce que j'existe pas non ça veut dire quoi ça veut dire quoi Peu importe ce qui est adoré, tu adores Allah. Parce que nul n'existe excepté Allah. Vous voyez le problème, c'est où ? Nul n'existe, ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe excepté Allah. Ça veut dire que tout ce qui existe, c'est Allah. Donc si tu adores quelque chose, c'est Allah. D'accord ? Et ça, c'est faux, ça. Et ça, c'est faux. On voit le danger, il est où ? Parce que regardez ce qu'il va le dire. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire... Parce que... Ça veut dire que toute chose qui est adorée, eh bien en fait tu adores Allah. C'est ça que ça veut dire. Il dit وَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ Et ça, c'est le plus faux des faux. وَهُوَ مَذْهَبْ أَهْلُ وَحْدَةِ الْوُجُودِ الَّذِينَ هُمْ أَكْفَرْ أَهْلُ الْأَرْضِ وَقَدْ فُسِرَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِتَفْسِرَتْ بَاطِلَةِ Donc il dit, ça c'est le plus faux des faux, cette croyance-là là, qui dit que tout ce que tu adores c'est Allah. C'est quelle croyance ça Vous vous en souvenez ? C'est Wahdatul Wujud, les soufis, qui disent que hein, la créature et le créateur ne font qu'un. Donc ça veut dire que si tu dis que rien n'existe excepté Allah, ça veut dire que tout est Allah. Allah est dans toi, donc si tu adores un tel, si tu adores une vache, si tu adores Pharaon, si tu adores Subhanallah, quoi que tu adores, eh bien ils te disent que tu adores Allah. Et ça, c'est les pires des mécréants. Tu vois ? Ahl Wahdatul Wujud, alladhina hum. Akfar ahl al-ard, les pires des mécréants. Donc, les pires des mécréants, ceux qui disent que le créateur et la création ne sont qu'un. D'accord ? Et puis il dit, et en plus, la ilaha illallah, hein ? Qad fussirat hadhihi al-kalima bi tafsirat batila. La ilaha illallah, elle a été expliquée par des fausses significations. Minha, anna ma'nahu, la ma'bud illallah. Il y en a des gens qui te disent, rien n'est adoré excepté Allah. Est-ce que c'est correct ça ? Rien n'est adoré excepté Allah. Ça veut dire quoi ça ? Quelqu'un qui te dit La ilaha illallah, ça veut dire que rien n'est adoré excepté Allah. Barakallahu fik bikram. Ça veut dire que tout ce qui est adoré, eh bien c'est Allah. D'accord ? C'est clair ? Ceux qui te disent rien n'est adoré excepté Allah. Ça veut dire que si quelqu'un adore, ça veut dire qu'il adore Allah. S'il adore une statue, ça veut dire qu'il est en train d'adorer Allah. Subhanallah. Jusqu'à ce que les soufis aboutichis disent que Moussa avait tort. Il aurait dû Ya'bad Firaoun. Lorsqu'il Ya'bad Firaoun, eh bien, il aurait adoré Allah. Ils disent que Moussa, Moïse, alayhi salam, il avait tort. Il aurait dû adorer Firaoun parce que s'il avait adoré Firaoun, il aurait adoré Allah. A'oudou billah. Donc c'est lui, il veut dire que le créateur et la création ne font qu'un. Donc il a dit وَهَذَا بَاطِلْ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مَعْبُودْ بِحَقَّهُ بَاطِلْ هُوَ اللَّهُ Il a dit ceci est faux parce que tout ce qui est adoré avec vérité ou avec fausseté, ils te disent que c'est Allah. Tout ce qui est adoré, de façon, ils te disent c'est Allah. Kama sabaq bayanuhu qariban. D'autres, ils vont te dire, comme Jama'at al-Tablir, ils vont te dire, anna ma'naha la khalaq illallah, qu'il n'y a de créateur excepté Allah. Mes frères, la mahabba, la ilaha illallah, ça veut dire. La khalaq illallah. Subhan. La ilaha illallah. La khalaq illallah. Wa hadha juz min ma'na hadhihi al-kalima. Walakin laysa huwa al-maqsood li'annahu la yuthbat illa tawhid al-rububiyyah. Wa huwa la yakfi wa huwa tawhid al-mushrikin. Il dit le problème c'est quoi? C'est que celui qui dit la ilaha illallah ça veut dire que eh bien mes frères c'est de croire que il n'y a pas de créateur excepté Allah. Ceci, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Mais ça en fait partie, parce que tu sais que le seul créateur, c'est Allah. Mais le sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a de créateur excepté Allah. Parce que ça rejoint à l'unicité dans la seigneurie. Le créateur, c'est Allah. C'est l'unique créateur, c'est Allah. Donc, la croyance des mouchriquines, eux savaient que le seul créateur, c'est Allah. Mais ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc si tu dis, la ilaha illallah, ça veut dire nul créateur excepté Allah, mais les polythéistes, les mouchriquines du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savaient qu'il n'y avait qu'un seul créateur. Et que c'était Allah. Mais ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc j'aime à tablir lorsqu'ils viennent, ils te disent que la khaliq illallah, subhanallah, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم بظلم أعوذ بالله. Ça veut dire que l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a combattu les mouchriquines avec injustice. Si on croit que nul créateur excepté Allah, ce n'est pas le sens. Donc ça, ce n'est pas correct. Ça fait partie. Le seul créateur, c'est Allah, d'accord. Mais donc c'est pour cela qu'on ne voue l'adoration qu'à Allah. Mais ce n'est pas le sens qui est voulu ici en disant il n'y a pas de créateur qu'Allah. Il y en a d'autres qui disent anna ma'naha la hakimiyya illa lillah. Wa hadha aydan min ma'naha. Wa laysa huwa al-maqsoud. Li'annahu la yakfi, li'annahu law afrada ilahun bil hakimiyya faqat wa da'a ghayra Allah aw sarafa lahu shay'an min al-ibada lam yakun muwahhidan. Wa kull hadhihi tafasir batil aw naqisa wa innama نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة. Donc il dit pourquoi le cheikh ici Salah al-Fawzan hafidhahullah, pourquoi il dit on les met en garde contre cela, parce que ces différentes fausses explications ou incorrectes explications sont mentionnées dans des livres, d'accord. Il dit qu'il y en a qui disent il n'y a pas de jugement excepté celui d'Allah, d'accord. Eh bien en effet, Ça en fait partie, mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. C'est comme, il n'y a pas de créateur excepté Allah. Tu dis, il n'y a pas de jugement excepté Allah. Eh bien, celui d'Allah. Eh bien, c'est pas ça qui est voulu par la ilaha illallah. Parce qu'il dit, par exemple, quelqu'un qui unifie Allah Azza wa Jal avec le jugement. D'accord, que le jugement, il doit se faire. Tu prends que le jugement d'Allah. Puis tu adores autre qu'Allah, ou tu voues une adoration à autre qu'Allah, tu n'es pas un monothéiste. D'accord. Et tout cela, ce sont des explications qui sont fausses et incorrectes. D'accord. Il dit quoi ? Wa at-tafsir as-sahih li hadhihi al-kalima 'inda as-salaf wal muhaqqiqin an yuqal la ma'bud bi haqq illa Allah. Donc l'explication de cette parole par les pieux prédécesseurs et les savants, c'est que c'est nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. Cette attestation de foi, elle a deux piliers. Quels sont les piliers de la ilaha illallah? An-nafi wal ithbat. Les ruknan huma an-nafi wal ithbat, la négation et l'affirmation. Ça, ce sont les piliers de la ilaha illallah. Si on te dit quels sont les piliers de la ilaha illallah, tu dis nafi, la négation, ou al-ithbat, l'affirmation. Deux piliers dans la ilaha illallah. Ar-ruknu al-awwal an-nafi. La ilaha yubtil ash-shirk bi jami' anwa'ihi wa yujibu al-kufr bi kulli ma yu'badu min duni Allah. Ça, c'est le premier pilier, c'est la négation, c'est-à-dire que tu renies l'adoration pour autre qu'Allah. Et il t'incombe de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'accord ? Al-ruknu thani, le deuxième pilier, al-ithbat, l'affirmation. Illa Allah yuthbit annahu la yastahiq al-ibada illa Allah wa yujibu al-amal bithalika. Wa qad jaa ma'na hadhain al-ruknain fi kathir min al-ayat. Mithl qawlihi ta'ala, faman yakfur bil-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. فقوله فمن يكفر بالطاغوت هو معنى الركن الاول لا اله. Donc il dit le deuxième pilier, c'est que excepté Allah, ça veut dire que tu affirmes et confirmes que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah. D'accord. Premier pilier, tu renies l'adoration à autre qu'Allah et tu mécrois en l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah et tu t'en désavoues, et cela annule tout associationnisme, tout polythéisme. Et le deuxième pilier, excepté Allah, ça veut dire que tu confirmes que le seul qui mérite l'adoration en toute vérité, c'est Allah seul. Et qu'il incombe à tous d'agir sur cela. D'accord ? Et ce sens-là est venu dans plusieurs versets. Notamment dans Sourate Al-Baqara. Comme ça, lorsque je vous dis quelle est la preuve, vous mentionnez Al-Baqara, verset 256. Al-Baqara, verset 256. Quiconque mécroit au Tawhid et croit en Allah a saisi l'anse la plus solide. Donc la première partie du verset, quiconque mécroit au Tawhid, ça correspond à la négation la ilah. Nulle divinité n'est en droit d'être adorée. D'accord ? En toute vérité. Ça, c'est la première partie. Wa yu'min billah, la deuxième partie du verset, et croit en Allah, huwa ma'na ar-rukn ath-thani illa Allah. C'est là, c'est le sens de la deuxième partie, du deuxième pilier qui est excepté Allah. Et c'est ce verset-là que je vous avais dit. Donc en fait, ce sont les versets 26 et 27 de Az-Zukhruf. Où est-ce que vous avez également le sens de la ilaha illallah? Vous lisez là le Coran, vous voyez, vous reconnaissez le sens. وكذلك قوله عن إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Ça veut dire la ilah. Nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité. إلا الذي فطرني. Deuxième partie, l'affirmation, c'est le deuxième pilier. Excepté celui qui m'a créé, c'est-à-dire excepté Allah qui mérite toute l'adoration. D'accord ? Donc ça c'était pour la première shahada. On termine avec la deuxième shahada, inshallah, et on va arrêter. Comme ça on aura terminé, inshallah. Ou voulez-vous qu'on fasse la semaine prochaine, peut-être? Ça fait peut-être un peu trop long. Hein. On fait la semaine prochaine, deuxième shahada. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Bekran, Benjamin? Tu peux résister, Benjamin? Je te sens encore. On continue alors, hein? Inch'Allah. Comme ça on aura clos, Inch'Allah, les deux attestations, d'accord? Wa ma'na, alors la deuxième signification donc de la deuxième attestation de foi qui est wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله هو الاعتراف باطنا وظاهرا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Donc ça, ce sont les quatre points dans la définition de Anna Muhammad Rasulullah. On va dire les cinq points, pour être plus précis. Cinq points. Donc définition de... Qu'est-ce que ça veut dire, Anna Muhammad Rasulullah? Vous devez donner cinq points. Premièrement, c'est de reconnaître, d'affirmer intérieurement et extérieurement que c'est le serviteur d'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur d'Allah et son envoyé à toute l'humanité. D'accord ? Ça, c'est le premier point. وَالْعَمَلْ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ. Et donc là, ensuite, d'une part, tu dois affirmer, confirmer intérieurement, tu vas être sincère dans ce que tu le dis, et extérieurement, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur d'Allah. Et son envoyé. Pourquoi je prends le temps de dire son serviteur et son envoyé? On va comprendre parce que ça là va référer au pilier de la deuxième attestation de foi. Parce que la deuxième attestation de foi a également des piliers. La première, elle en a deux, la négation et l'affirmation. Deuxième attestation de foi, on affirme, confirme intérieurement, extérieurement que c'est le serviteur d'Allah et son envoyé à tous les gens. Pourquoi on insiste sur à tous les gens? Pourquoi on insiste ilan nasikaf? Si on compare avec les autres prophètes et envoyés d'Allah. Barakallahu fiik, bekhan. Parce qu'en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qui est authentique, il a dit que ce qu'il différencie entre lui et les envoyés prophètes qui l'ont précédé, eh bien, c'est que les prophètes et envoyés qui ont été, et messagers d'Allah, qui ont été envoyés avant lui, ont été envoyés à leur communauté, à leur peuple. Tu vois ? وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَ Et j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et j'ai envoyé à toute l'humanité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Tandis que les prophètes et messagers qui l'ont précédé ont été envoyés chacun à leur peuple. D'accord ? Donc là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité est obligée de croire en lui et de le suivre. D'accord ? Celui qui refuse de le croire en lui et de le suivre, c'est un kafir. D'accord ? Donc on ne peut pas dire, non, je connais un tel, c'est un chrétien, il est sincère, il n'adore qu'Allah. Oui, mais il croit au prophète, c'est un kafir. Tu vois ? Ou il ne croit pas au Coran, c'est un kafir. Ou il ne croit pas à une lettre du Coran, c'est un kafir. D'accord ? Il ne faut pas avoir d'ambiguïté sur cela. C'est pas, il croit en Dieu. Ça ne veut rien dire du tout, ça, il croit en Dieu. D'accord ? Il croit en Allah. D'accord ? Et on avait dit d'ailleurs un point ici pendant que j'y pense. Vous voyez, on évite d'utiliser le terme Dieu lorsqu'on parle. Oh, Dieu a dit, Dieu a dit. C'est pas correct d'utiliser le terme Dieu. Pour référer. Barakallahu fik, Yassine, c'est exactement ça. Allah, c'est spécifique à Allah, l'unique créateur, le seul qui mérite l'adoration. Et vous voyez qu'on peut pas le mettre au pluriel. Et on peut pas l'appliquer, par exemple, en disant Allah de la mer ou de. Non! Astaghfirullah. Alors que Dieu, tu peux l'écrire avec un petit D ou avec un grand D, tu peux le mettre au pluriel, tu peux dire Poséidon, le dieu de la mer, le dieu de la terre, c'est un tel, les divinités grecques, le dieu un tel, le dieu un tel, le dieu de la terre, le dieu du ciel, le dieu de. Astaghfirullah, oudou billah. Alors que Allah, c'est spécifique à Allah. Donc c'est pour ça qu'il est. On dit, il vaut mieux, tu expliques déjà aux gens, Allah, c'est le seul créateur, le seul qui mérite l'adoration. L'unique qui mérite l'adoration en toute vérité, le seul qui a tout créé. Mais tu n'utilises pas, eh bien, oh Dieu, Dieu, Dieu. D'accord, Dieu, parce que ça peut être Dieu. Ah oui, mais c'est pas le Dieu que j'adore. Eri, celui que j'adore et celui que. Yanni, celui qui m'a créé, c'est celui qui t'a créé et c'est celui qui a tout créé. On se doit d'adorer celui-là, le seul, l'unique. D'accord ? Mais si tu dis mon Dieu, eh bien, il va te dire, ben moi, c'est pas mon Dieu, moi j'ai un autre Dieu. Vous voyez ? Donc, on fait la parenthèse sur cela, barakallahu fikum. Donc, le sens de Anna Muhammad Rasulullah, c'est qu'on confirme intérieurement, extérieurement, que c'est le serviteur et envoyé d'Allah à toute l'humanité. Ça, c'est le premier point. Les quatre autres points dans la définition, c'est quoi ? Et ceci implique qu'on se doit de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Quelle est la preuve dans cela ? Vous pouvez marquer Sourate Al-Hashr, verset 7. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Ce que l'envoyé vous a ordonné, prenez-le, ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Craignez Allah car Allah est dur en châtiment. Et vous pouvez, il y a énormément de versets dans cela. مَنْ يُطِعَ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ Quiconque obéit au messager a obéi à Allah. D'accord ? وَأَطِيعُ اللَّهُ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité. D'accord ? Donc, il y a plusieurs versets sur cela. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, il a dit كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَى Toute ma communauté entrera au paradis, excepté ceux qui refusent. Qila wa man ya'ba ya Rasulallah. Qui donc va refuser au envoyé d'Allah ? Qui donc va refuser, yani, de rentrer au paradis au envoyé d'Allah ? Il a dit quoi ? Il a dit Man ata'ani dakhal al jannah wa man asani faqad aba. Quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit a refusé. Il n'est pas intéressé par le paradis. Il désobéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le deuxième point, min ta'atihi fi ma amar, an nuti'ahu fi ma amar, qu'on lui obéit à tout ce qu'il a ordonné. Troisième point, wa tasdiquhu fi ma akhbar, an nusaddiquhu fi ma akhbar, qu'on croit à tout ce qu'il a informé. Donc, tasdiqhu fi ma akhbar, qu'on croit à tout ce qu'il a informé. Tout ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. D'accord ? Dans sourate An-Najm, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَى إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion et ce qu'il dit est une révélation inspirée d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui lui révèle. Donc on doit croire en tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a informé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, dit que lorsqu'une mouche tombe dans ton verre d'eau, tu la trempes complètement et que tu l'enlèves et ensuite tu peux boire l'eau, il a dit car dans une aile il y a des et dans une autre aile il y a un dawa. Dans une aile il y a une maladie et dans l'autre il y a l'antidote, le traitement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, on y croit, on n'a pas besoin d'attendre les recherches scientifiques, etc. On y croit, il l'a dit, ça y est, on y croit. Mais lorsqu'il y a des gens qui s'affilient à l'islam et qui sont dans la da'wa et qui te disent, quoi ? Une mouche qui tombe dans le verre, je la trempe. Le hadith ne va pas avec ma raison, je le rejette. A'oudou billah. Yani ça, ce sont les gens qui utilisent leur rhétorique et leur raison en disant « Non, attends, attends, Allah il m'a donné un cerveau, je peux réfléchir, je peux... Subhanallah !» Et réutilise ton cerveau dans ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Essaye de comprendre ce que ça veut dire « La ilallah wa anna Muhammad Rasulullah » et applique-le. Subhanallah. Mais c'est pas style « J'ai un cerveau, ça veut dire que je peux diriger la planète, attends, je peux faire ce que je veux et expliquer ce que je veux. » Subhanallah. Donc... qu'on croit à tout ce qu'il a informé. Le quatrième point, et qu'on évite tout ce qu'il a mis en garde, d'accord ? Ou interdit. Tout ce qu'il a mis en garde ou interdit, on l'évite. D'accord ? La preuve dans cela, comme Allah Azza wa Jal dit, je me souviens bien, sourate An-Nur, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Qu'ils prennent garde tous ceux qui désobéissent à son ordre qu'une fitna leur arrive, leur tombe sur eux, hein? Ou un dur châtiment. Et l'imam Ahmed rahimahullah, lorsqu'il a été interrogé sur la fitna, c'est quoi? Il avait mentionné que c'est le zayr ou le dalal ou le maut à la ghayr l'islam. A'oudou billah. Tu vois? C'est l'égarement et le fait que tu meurs sur autre que l'islam pour avoir désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A'oudou billah. Vous voyez le danger. Donc ça, c'est le quatrième point. Qu'on évite tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ou interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit des choses, eh bien, on ne va pas se lancer dedans. Il l'a dit, ça y est, on y croit. D'accord ? Et le quatrième point, Allah yu'abd Allah, pardon, et le, barakallahu fik, Yassine. Et le cinquième point, Allah yu'abd Allah illa bima shara, qu'on adore Allah, excepté qu'avec ce qu'Allah azza wa jalla a légiféré. On adore Allah, excepté qu'avec ce qu'Allah azza wa jalla a légiféré. On n'adore pas Allah azza wa jalla comme on veut. D'accord ? Quelle est la preuve qu'on peut avoir qu'on n'adore pas Allah Azza wa Jal comme on veut ? Une preuve, je veux, dans Sahih Muslim et le hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha. Tu t'en souviens, Bekran ? Ouais, dans les cours précédents. Ou si tu as écouté les quatre règles, mais bon, il y a eu des problèmes à faire l'écoute là. Quiconque fait une œuvre, quiconque fait un acte, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Quiconque fait un acte qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté. Et dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, il y a une autre riwaya, selon Aisha radiallahu anha, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Quiconque invente quelque chose dans notre ordre qui n'en fait pas partie se verra rejeté. D'accord ? Se verra rejeté. D'accord ? Donc ce qu'il faut savoir, barakallahu fikum, c'est que ce qu'Allah aussi a dit, d'ailleurs je me souvenais d'une autre preuve là, dans ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ash-Shura, Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses dans la religion qu'Allah n'a pas agréé? Vous voyez? Donc, que tu n'adores Allah qu'avec hein? Ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. Tu n'inventes pas dans la religion d'Allah. La ibada illa bidalil wa nas. Excepté si tu as une preuve. Si tu ne sais pas, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Tu ne sais pas, tu demandes. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Tu te renseignes. Mais ce n'est pas, par exemple, tu vas dire non, je pensais bien, il n'y a pas de problème, on ne fait rien de mal. Subhanallah. Non, ce n'est pas comme ça. Subhanallah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa iyyakum wa muhdathat al-umur » et prenez garde à tout ce qui est inventé. « Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a dalala » wa fi riwaya wa kulla dalala fi nar. Et prenez garde à tout ce qui est inventé car toute chose inventée est une innovation. Les pires des choses sont les choses inventées et toute chose inventée est une innovation et toute innovation est un égarement, et dans une autre narration, et tout égarement mène au feu de l'enfer. D'accord ? Donc on a vu là le sens de Anna Muhammad Rasulullah. Il rajoute aussi une faïda, le Cheikh Salah Al-Fawzan. Il dit quoi ? Dans le sens de Anna Muhammad Rasulullah, d'une part, c'est de croire hein, qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Mais on ne dit pas juste à toute l'humanité, pour être plus précis. Oui, mais il a été envoyé aux deux pesants, les djinns et les humains. D'accord ? C'est pour ça qu'il dit وَشَهَادَ وَمَعْنَ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ أَيْ أَعْتَرِفُ وَأُقِرُّ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَ إِلَى الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فلا بد من الاقرار برسالته ظاهرا وباطنا ظاهرا باللسان باطنا. Donc tout ce qu'on a mentionné là, c'est-à-dire que tu admets, confirmes que c'est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été envoyé à toute l'humanité et il a été envoyé aux deux pesants, les djinns et les humains, d'accord? Et il est donc indispensable de confirmer et d'affirmer son message en apparence et intérieurement. En apparence et intérieurement. En apparence avec la langue et intérieurement avec le cœur. أما من يشهد أنه رسول الله باللسان وينكر بالقلب فهذا منافق. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة المنافقون le verset 1. Celui qui atteste que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec la langue, il l'atteste. Oui, j'atteste que tu es le serviteur d'Allah, que tu es le prophète d'Allah, que tu es l'envoyé d'Allah. Je l'atteste. Il l'atteste avec sa langue. Mais avec son cœur, il ne l'atteste pas ou n'y croit pas. Ça, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, lorsque te viennent les hypocrites et qu'ils te disent « Nous témoignons que tu es l'envoyé d'Allah », Allah Azza wa Jal sait que tu es l'envoyé, que tu es son envoyé, et Allah atteste, confirme que les hypocrites sont des menteurs. D'accord ? « Kadhibuna fi shahadatihim li annahum la ya'tarifuna laka bir-risala biqulubihim » Ils sont des menteurs avec leur témoignage parce qu'ils n'ont pas attesté ça avec leur cœur. D'accord ? وإنما يتلفظون بذلك لأجل مطامع الدنيا والعيش معكم. Mais ils attestent cela avec la langue, pourquoi? C'est juste pour bénéficier des biens mondains. D'accord? اتخذوا أيمانهم جنة. C'est pour ça, le deuxième verset dans le surat al-Munafiqun, ils ont pris leur foi comme un bouclier. C'est disant, ils prétendent la foi, mais c'est juste pour pouvoir bénéficier des biens mondains. D'accord? Subhanallah. يعني سترة يستترون بها وإلا فهم كفار في قلوبهم فلا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. Donc il est indispensable hein, de confirmer et d'infirmer à l'attestation que c'est Muhammad صلى الله عليه وسلم, c'est l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم, envoyé à toute l'humanité, envoyé aux deux pesants, aux djinns et aux humains. D'accord? On l'affirme, on y croit. Avec la langue, on le dit, et avec le cœur. D'accord? Mais eux, les hypocrites, ils prétendent cela qu'en tant que bouclier, d'accord? Mais en vérité, ce sont des mécréants dans leur cœur, puisqu'ils n'y croient pas. D'accord? وكذلك الذي يعترف برسالته باطنا ويأبى أن ينطق بها ظاهرا هذا ليس بمؤمن فالمشركون يعترفون أنه رسول الله قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. C'est également le cas pour celui qui croit au fond de lui sincèrement avec le cœur que oui, c'est l'envoyé d'Allah, que c'est le serviteur d'Allah, mais il refuse de le dire avec la langue. D'accord? Celui, il y croit, il sait que c'est le serviteur d'Allah, il sait que c'est l'envoyé d'Allah. Il sait, il y croit dans son cœur, mais il le refuse de le dire et de l'affirmer. Eh bien, celui-ci n'est pas un croyant. D'accord? Non. Exactement. Barakallahu fik. Très bon exemple, Yamin. Comme Abu Talib, il savait que c'était l'envoyé d'Allah, mais il ne pouvait pas l'affirmer, parce que s'il l'affirmait, eh bien ça veut dire qu'il était obligé de s'y confirmer et de l'appliquer. Parce qu'avant, s'il disait quelque chose, eh bien, ça y est, ça veut dire qu'ils sont obligés que ça incombait sur eux, et donc de le mettre en pratique. Mais lui, il refusait en fait de témoigner des deux attestations de foi parce qu'il considérait que si lui il rentre dans l'islam, ça veut dire que ses ancêtres c'était des kuffars. Et il ne pouvait pas accepter cela. Vous voyez? Et donc c'est pour cela qu'il considérait cela comme étant une insulte envers ses ancêtres si lui il se convertissait à l'islam. Alors qu'il sait que c'est la meilleure des religions, il disait dans ses poèmes. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit ce qu'ils vont penser de moi, ma communauté? Notamment. Je ne sais pas si c'est exactement cette parole-là, mais c'était notamment ça dans ses poèmes qu'il disait que lui, il considérait que c'était une insulte envers ses ancêtres, s'il acceptait l'islam. D'accord? Donc ce sont ces points-là qui sont importants. Là, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh Salah Fawzan, il mentionne une parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens du verset. Nous savons qu'en vérité, donc ça, barakallahu fi, comme c'est le verset de Surat Al-An'am, verset 33. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent t'attriste. Mais ils ne te démentent pas. Cependant, les injustes renient les versets d'Allah. Ou les signes d'Allah. يَعْتَرِفُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ لَكِنْ مَنَعَهُمُ الْكِبْرِ ومنعهم الحمية الجاهلية لآلهتهم أن يشهدوا برسالته صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qui les ont empêchés d'accepter cela? C'est leur partisanisme sectaire et tribal, d'accord, nationaliste, etc., qui les empêchait d'attester cela. Et puis leur attachement, leur d'une part, d'autre part, leur arrogance et leur orgueil à renier l'adoration de leur divinité. D'accord? Tout cela les a empêchés de témoigner du message de la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. أيضا اليهود والنصارى يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم لكن جحدوا هذا ولم يعترفوا بألسنتهم. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سبحان الله دي جويف et les chrétiens. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 146, le Shir dit, même les juifs et les chrétiens admettent que Muhammad s.a.w. c'est l'envoyé d'Allah. Ils admettent ça avec quoi? Avec leur cœur. Mais ils le renient. Ils le renient et ne l'acceptent pas avec leur langue. Allah Azza wa Jalla a dit, ceux à qui on leur a donné le livre, le connaissent, c'est-à-dire connaissent qui? Ils admettent qui? Ils admettent l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils connaissent leurs enfants. D'accord? Mais une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. فَلَا يَكْفِي الْاِعْتِرَاف بِيَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ بَاطِنًا فِي الْقَلْبِ مَعَ عَدَمِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ لمن يقدر على ذلك فإن المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم لكن أبوا أن يقروا بألسنتهم خوفا على دنياهم أو خوفا على رئاستهم أو حسدا من عند أنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم أو تكبرا أو غير ذلك من الإعراض السيء. ثم إذا شهد أنه رسول الله حقا فلا بد أن يتبعه. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc le fait que les associateurs, les juifs, les chrétiens, tous ces individus qui ont renié, eh bien ils renient, soit avec le cœur, s'ils ne renient pas avec le cœur, c'est avec la langue, d'accord? Donc ce n'est pas suffisant juste de le dire avec la langue, il faut y croire avec le cœur. Donc lorsque tu l'affirmes avec la langue et que tu le crois avec conviction avec le cœur, d'accord? Il t'incombe maintenant de le suivre. Fala budda an yattabi'ahu. Fa in shahida annahu rasulullah haqqan zahiran wa batinan. Lakinnahu lam yattabi'ahu lam tasihha shahadatuhu annahu rasulullah. Celui qui affirme que c'est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'affirme avec son cœur, il l'affirme avec sa langue. Il dit que c'est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui est obligé, il lui incombe de le suivre. D'accord? Il lui incombe de le suivre. Il ne faut pas se tenir juste intérieurement et puis extérieurement. Il y a certes ça avec la langue et intérieurement avec le cœur, mais tu dois le suivre parce que celui-ci qui refuse de le suivre, eh bien, son attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa c'est l'envoyé d'Allah, eh bien, n'est pas acceptée. N'est pas acceptée. D'accord? قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. Sourate Al-Qasas, verset 50. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. D'accord? فإذا لم يطيعه في شيء فهذا كافر. Celui qui refuse de suivre le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dans tout, celui-ci c'est un mécréant. وَإِنْ أَطَاعَهُ فِي أَشْيَاءٍ وَلَمْ يُطِعُهُ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ فَهَذَا شَهَادَتُهُ نَاقِصَةٌ. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines choses et pas dans d'autres choses, eh bien, son attestation est manquante. Est manquante. Celui qui ne le suit pas du tout, c'est un kafir, et celui qui le suit dans certaines choses et pas dans d'autres, son attestation est manquante. عِنْدَهُ نَقْصٌ بِحَسَبِ مَا تَرَكَ. Il a un manque en fonction de ce qu'il lui manque. Fala budda min ta'atihi sallallahu alayhi wa sallam. Il est essentiel de lui obéir, d'obéir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah azza wa jalla dit, qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Et donc ça ce sont les versets ensuite qu'on a déjà mentionnés. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez à l'envoyé et à ceux qui détiennent l'autorité. D'accord? On a vu déjà toutes les preuves sur cela. On a dit quoi? On a dit que cette attestation de foi, elle a deux piliers. D'accord? Deux piliers. أركان الشهادة أن محمدا رسول الله لها ركنان هما قولنا عبده ورسوله. Elle a deux piliers, c'est ce qu'on dit. Premier pilier, c'est il est le serviteur, et le deuxième pilier, c'est qu'il est l'envoyé. وهما ينفيان الإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم فهو عبده ورسوله وهو أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. Le fait que les deux piliers, le serviteur et l'envoyé, eh bien ça, ça invalide en fait le manquement que l'individu peut avoir vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'exagération qu'il peut avoir vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ces deux attributs-là, qu'il est serviteur et envoyé d'Allah. D'accord ? ومعنى العبد هنا المملوك العابد أي أنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر. Le serviteur ici, c'est quoi? C'est celui dont, qui est sous le service d'Allah Azzawajal. D'accord? Qui est serviteur d'Allah Azzawajal. Il n'est pas indépendant de cela. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un humain qui est créé, d'accord? De ce qu'a été créé les humains. D'accord? يجري عليهم ما يجري عليهم. C'est-à-dire, ce qui arrive aux humains arrive au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Comme قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. Allah Azza wa Jalla ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dans Sourate Al-Kahf, verset 110, dis, mais je suis un humain comme vous, comme vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les humains meurent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. D'accord ? Donc ce qui arrive à l'humain arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une créature comme les autres créatures. D'accord ? Et c'est ce qu'Allah azza wa jalla a dit dans la traduction du sens du verset. Dis, yani ô Muhammad, dis, je suis un humain comme vous. Wa qad waffa sallallahu alayhi wa sallam al-ubudiyya haqqaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parfait l'adoration. Allah Azza wa Jal, wa madahahu Allah bi dhalik. Allah Azza wa Jal, il a félicité sur cela. Il a mentionné, qala ta'ala, alaysa Allah bi kafin 'abdah. D'accord ? Dans sourate Az-Zumar, verset 36. N'est-ce pas qu'Allah va suffire son serviteur. Allah Azza wa Jal l'a mentionné en tant que serviteur. C'est un honneur, ça. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Allah Azza wa Jal affirme que, donc, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. D'accord ? Dans Sourate Al-Kahf, verset 1. Wa ma'na al-rasoul al-mab'outh ila an-nasi kaffa. Ça, c'était pour le premier pilier. Et le deuxième pilier, le sens de rasoul, c'est celui qui est envoyé à toute l'humanité. Il a nasi kafa bid'awa ila Allah bashiran wa nadhiran, qui annonce et qui met en garde, qui annonce la bonne nouvelle et met en garde. Envoyé, deuxième pilier, c'est la signification de l'envoyé. Envoyé à toute l'humanité, aux deux pesants, aux djinns et aux humains, avec l'invitation à Allah, d'accord, en tant qu'annonciateur et avertisseur. Wa fi ash-shahada lahu bi hatayn as-sifatayn nafy al-ifrat lil-ifrat wa at-tafrit fi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam fa inna katiran mimman yad'i annahum min ummatihi afrata fi haqqihi wa ghala fihi hatta rafa'uhu fawqa martabati al-ubudiyya ila martabati al-ibada lahu min dunillah. Donc il a dit, et donc le fait qu'il soit un serviteur, et c'est un honneur pour l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'être un serviteur d'Allah. Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans son livre comme étant un serviteur. Et c'est un envoyé d'Allah. Donc c'est un prophète et envoyé d'Allah. Donc là, tu ne tombes pas dans l'exagération ou dans le manquement vis-à-vis du prophète Mohammed. Parce que certains qui s'affilient à cette communauté d'Allah l'ont mis à un niveau de l'adoration jusqu'à ce qu'ils l'ont mis à ce qu'ils l'adorent en dehors d'Allah. Donc ils l'ont élevé à un niveau jusqu'à ce qu'ils se sont mis à l'adorer en dehors d'Allah. استغاث به من دون الله وطلب منه لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والبعض الآخر جحد رسالته أو فرط في متابعته واعتمد على الآراء والأقوال المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه. Donc il dit, et là on a terminé là, alhamdoulilah. Donc il y en a qui l'ont mis en train de, au niveau de l'adoration, ils se sont mis à l'adorer en dehors d'Allah. Ils se sont mis à l'invoquer en dehors d'Allah, à rechercher refuge auprès de lui, au lieu de le rechercher auprès d'Allah Azzawajal. D'accord ? À rechercher, à lui demander l'intercession, comme dans les livres de Jama'at al-Tablir, subhanallah, qui te disent, va à la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dis, oh, envoyé d'Allah, je te demande l'intercession. Ça, c'est du shirk, qui invalide l'islam. D'accord ? Il lui demande ce que seul Allah Azzawajal peut faire. Subhanallah. Vous voyez ? Parmi le fait de libérer d'un mal ou bien apporter un bien. Il n'y a qu'Allah Azzawajal qui peut faire cela. D'accord ? Et il y en a d'autres qui sont à l'opposé ou est-ce qu'ils ont délaissé son suivi et se sont appuyés sur le raisonnement, ma pensée, je pense que mon opinion c'est que... Et il devance son opinion sur... les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou sur les hadiths authentiques. D'accord ? Est-ce que c'était un peu long là aujourd'hui ? Est-ce que c'est clair pour les deux attestations de foi dans le détail avec les piliers et le sens ? Inch'Allah. Naam ? Inch'Allah bi'idhnillah. C'est peut-être bien un moment de... Barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce pilier-là et puis on pourra, Inch'Allah, commencer bi'idhnillah la semaine prochaine, donc le deuxième pilier de l'islam. Je pense qu'on a fait le tour, vraiment le tour, sur ce qu'impliquaient les deux attestations de foi dans le détail. Parce que je voulais encore insister sur d'autres points. Bon, on verra en fonction de la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais sinon, on commencera bi'idhnillah le pilier. Donc, Rukn al-Thani, Iqamat al-Salat. Liqawli sallallahu alayhi wa sallam, wa tuqim al-Salat. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.